passe un menteur. Juste un être comme vous rêvez de voir son peuple à la hauteur. Je ne sais pas vous, mais parfois dans mes airs sombres, j'ai peur de laisser m'échapper une vie que j'aime avec ardeur. Demandez laquelle de nos vies ivresse pourrait égaler la valeur du temps qu'il nous reste. Quel geste faut-il préférer quand les murs se dressent? Dans ma guitare. Apprend aussi qu'il a parfois du bon temps à prendre de l'âge. C'est lui quand il passe qui laisse la sagesse en héritage. Il change le visage de nos amours. Devant lui nous sommes tous égalité. Un jour il s'amuse, un jour il court. Un jour celle que je dois suivre, celle qui doit m'emporter. Donne-moi la logique à laquelle je dois me raccorder. Celle que je dois suivre, celle qui doit m'emporter. À toi, file. Il est venu, il est reparti. Aussi vite il est arrivé, aussi vite il est reparti. Il n'aime pas le reggae, il n'aime pas le Silver phone, if you have, don't we have? boîte à rythme. Ok. Y a plus de batteur. Synchronisation. Pas trop fort ta guitare là. Thank you. pour ma queue. Moi le hard rock c'est ça reste toujours dur, plutôt rock. We'll be right back. Fais-moi les accords. Tu fais les accords, Phil. 1, 2, celui-là. Thank you. We'll be right back. if you heard well about you. Hello, Zim. Thank you. We'll be right back. Bétonine. Je pense qu'avec Andy, tu dois pouvoir faire un truc pas mal, quoi. Ah, week-end. C'est le week-end, tu vas te reposer.